Bimba. Matisa preso kane, kanga siga magendo sani kobra kongo. Dem se daron se ya ya ke ti zumbia kimbi la ki unte di lange. Aya ya ke ti zumbia kimbi la ki unte di lange. Aya ya ke ti zumbi. Aya ya ke ti zumbi. Se basanga kidogo ya bra kongo na zumbi. Bon général, patience. Ah bon? Dominique Kankou, commandant Hilo. D'où Alex, c'est l'Alex. La loi est dire, mais c'est la loi. Kiki Touré. Commando, commando, commando. Commando, commando, commando. Commando, abunda, tala, simate. Yangos, collègue, n'a toujours liboso. Allez, dis comme moi. Chabani Record, Gilbert Villani, Jimmy Bass, le grand acheteur monte au feu. Gaspard Lord. Yon Tabana Massé, édiqué ma photocopie, ma carte sa frontière était. Sinon, la poste en charge n'a yo. Bison à scolé. Bison à scolé, Valévito, Matissa, Bena, Bavare, Nyoso. Justin Zengo. Bouteille, mon combatou, et bébé. Oye, Bazo, et Lena, et Zascolé. Gachis Airways, Max, sous les mains des grands sables. Ah, voilà ta canine, voilà ta canine. Kala, kala, voilà la gobi, maman. Production. Hey, Christian Kinzaki, Betango Lokola di Kembe. Mwana mama vingi la nanjotwe. Ay, yotu nani balu muka nanjotwe. Taniko idi ndu muka nanditwe. Natino kole. Ale vilingite, kamu fatu vilingite. Masima samba jomuna. General Gabira. General Ndende Vixon Kiponde le colonel. Ndeye monseigneur na bimana ndenge na ngai ndeke ndeke Francine Mbombo alelina ndenge na ye ndeke ndeke Charlene Wanga alobina ndenge na ye Iva Biala yo Moïka Sanji Atobinaga Rausa Mokonzi Atobinaga ndeke ndeke ndeke ndeke Skole Matisse Impressiona Samokumba ndeke ndeke ndeke Fanny Kankolongo Hélène Kalema Ndeke Ndeke Ndeke Ndeke Ariante Kasinga Ibero Kuka Ndeke Ndeke Ndeke Ndeke Ndeke Ndeke Bachelina Royale Boutique Faculté de la SAP Chez Mama Biomba Kadima Weto Luxembourg Grand Soliste Nécromatie Abstraction Métaphysique Mais celle-ci Moro Rindalala Rindalala Washington est bouché, métaphysique. Mimi la japonaise, métaphysique. Quatre Wakanda, la secrétaire. Chipekis, l'ingénieur, l'homme en décibel. Est-ce que Baligito met sa pression jusqu'à l'infini? Rolim Bonda, Bob Machoud. Jerry Sentai, Misa Biatalo, Ali Fouti la Nadine Bango, Jean Shimba Mulongo, Mafra Mavinga, Wanano, la police se rebango, Nrindalala, Nrindalala, Bobe de Nare Metafisico, Joli Malanda Metafisico, Chambien, Aleyaya. qui aime les maîtres. Maïbo, ni boyalanga scolaire, la matrice à pression. Et si on va pied, et si on est pas yo à pied, on va y habiter, on y et si on a dit la ligne. Jean-Paul Kalema. Bichouma Tongani. Ah, soua. Banza Capé Source. Yango Bila Keye. Musique est si liée. Bato Babi. Je m'appelle Makita Chetango, Kodi Ben, Debi Ben, Yali Ben, la scola, Kiki, Soudan Bango, Yokasko, Lelengi. Lui, on est mal américain, autrement, Rap Africa. Yangatima, Yangatima, Yangatima, Yangatima, Wabo. civilisation. Tukalonji didi shaita twe lwendo lwa bayaya lwendo lwa bayaya lwendo lwa batutu tatukatonda ntama anthropologie boma bana kini nelengi ya bile sikoyi koko tuka di filabo oyanga mbushima yiganenge chikete dupesho nyama nyama dama mbushima yiganenge ye masaku vous avez compris la réalité. Il de Campo, Mokon Jangiringi. Esakoya, Esakoya, Esakoya, Esakoya. Eli, Esa, Moi, Emma Sapoa. Vanessa, Horizon Masamba. Zenith, not a losing. Liboke yangulu misatu na bodino landelanga kuanga o yantolola epa ya mogila gila Lixambu Presentom na lila Mimi bekila kwena muduga yikulu muka tumba kwe Iti Kwena muduga yikulu muka tumba kwe Oya oya oya oya Ama nani mende cha oya oya kule mbeza kata la zori Itofani yombo Ashe matenga zanga shesipa Ema mboko Iti Mettre tunda noir kati e bonga kwena mutunga ikuru munga tumba kwe iti uya manani mani saura uya kule mbisa kata la zore ah keke mamilama ya mukolo kota ane ti evoka nani shengena ye motuja ati sandukwa ye evoka nile nerita ye motuja evoka motuja chef soko restaurant mando evoka motuja bombo evoka Coco di Coco e Boca Beate se te chiama Mami Giogliomi Quasi Dubai Sina De Bissella Ah, GTM John Cavalla Mawa Chéri Mabosso Papite Tanos Maschi Masamba Gino Inunga Akili Manjaro Look at to be angry. Look at to be I. Magindo jeta la cabane. Yan tobe mo koso. Céline ma kolo abenga ni bang. Maître méchant. Allez bana banga li ma konde. Maître Didier. Eh babo y ma boke balingi karashi. Nanda kui. Alice moi ti moutolu li banga. Alice di kaka moutolu li banga. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma tozo yungu na bangwe Chacho mbala, mbongwe bele Jean-Jacques Mbroa de Moya Erike Buka Abona neto kolienta baka simandefu na yete Iter Kokopi, Yula Bols General Gabira, Christian Moulongo Max et Souleyman Lui on est mal américain Papi Moukalaï Manu Moufaka Patrick Makoda Bob Mokoko L'homme des grands événements Ma famille, je vous aime bien Kaye Mbechentema, Adam Bombolé Allez DJ Frangé s'il te plaît, fais-moi plaisir Allez Zimoro, Maboko Pembe Francis Kalombo, Solution Yeah. Bongo, Willy Tembea, Nitambour, les solistes de Dix, Serge Kadilou, à la main des Nabucodonosor. Mon pao, mon conzi, Kofi Olomide, Yelo Kola Monaka Zalayo, Atindi Bebana Bazalanga. Ami intime, ma chérie, si tu es ton âme. koyo Mimi ton sakana na ye $100 ni ko Mata kapte liebo buka ema boko na makoroa Pichu bwengo bina na ye José Nzangabwana Salon la prêtresse Mami Chodiombe Kaspar Lava Ito Scarbella Ale Baba Kavua Kupiyaje Masashi Kabaka Taya Taya Mama Komanda Hilo Maître Japonais Ouspante Yabo Zumbi Méchant Yagala Yabo Bande Soutan Yagabani Kata Kwe Kandala Yabo Zumbi Sabo Mochacha Jisama Su Cheri Sete Zumbi Zumbi Majuda, Majuda, Majuda Mandangi, les Indiens assis. Christian Kulu Kulu, Kabana Matese, Kubina Kouetou, Matase Kapuzu, Doumara Malimela, Lordi, Patrick Makoda, j'ai ma belle et ma vidange, ma petite et ma vidange, j'ai mon dinage, mon dacan, et ma vieille, Ajou Simba. Claude Mosai, l'homme de Maja kiwa tunda Ane ngingo Ngongi ngingo Ngingo ngolo Atake de Panama Ngingo Ngongi ngingo Ngingo ngongo Namupe babeti Kingrololo Mame mama Arsene Mumba Ngingo Ngingo Ngingo Ngingo Ngingo Ngingo Mame Mama Babeti Telsi Ezabi Tumba Bana 4 saisons Mabino yo Mizigo yo Efanda Yangoyo Lokolo Lokolo Lokolo Lokolo Lokolo Alpha Ngungu Lokolo Lokolo Ah Fidobi Lokolo Bangala Mama Chakodo Oya Bampele Mwana Lokolo Basanga Nzambi Kamule Terena Nga Destino Bilele Geno Fia Yipi Lokolo Baumu Nzambi Mishokoto Fia Bampele Mwana Fia Chayo Chuma Dejan Mama Héritier Scam, il dit qu'il n'y a ni mbongwe, tchacho mbala diama, basane de bonne zina, mbala zora rama, lokola manoube, lokola manfede mwana, ya basaka d'anzande. John Misidu, Nika Sebayake, Patrick Meka, Jima Koda, Jerry Kongolo, Tati Tigana, Olivier Mila, Jimmy Show and Joe. Héritier Moulele Cédric Niankovic DJ Benedict Sebembe Jacques Delors DJ Pirogin Patricia Champagne Yora Kabumbaye Moussio Chinunga Musiona Wamaka Tenda Manulu Fata Vena Kadidolo Badiadia Buo Shalem Bologoto Mudum Futum Fule Mona Bana Badila Bologoto Bologoto Bologoto Bologoto Bologoto Hermene Kaba Bologoto Bologoto Bologoto Bologoto Bologoto Alexi Wechi Ale Tata Moko Na Kwe Tata Moko Na Kwe Alo Koti Savon Apa Kola Boye Suke Siliye Sous-gé-sini-yé Apakodaboye Sous-gé-sini-yé Mi-bali-ba-yé Basi-ba-yé Mi-bali-ba-yé Mi-bali-ba-yé Basi-ba-yé Basi-ba-yé Mi-bali-ba-yé Basi-ba-yé Mi-bali-ba-yé Basi-ba-yé Mi-bali-ba-yé Détiki-bala Ba-ministre Jensen Obama Dangwe Mona-bana-babu-lugu-mwa-kabanga Mami-nzao Marketa Les amis de Wedge Belgique, mon abana va pour le coup, moi, cabana. Aïcha Zelda, London. Papa mon poisson mini kemba Diego musique allez maman mon poisson mini makembele Ido et pour là mon poisson mini kemba Francine Miss Passi ministre Jennifer Elito Bono babo kofinga babo tongo klito Joli Mayala hey Masango wa foa Ye mwana nzambe hey Ye mwana nzambe ordinateur Cyril Ekina Bobo Zokanisa Yende Tatanangai Tel père, tel fils Yemo komo fingi bato Freddy Odimba Yemo komo lukingai Yemo komo tongi bato Yemo komo lelingai Foto bati melio Mebeti, mezi nini Eh ma peti mamu kwe kenge Garde nord, garde l'est, c'est mon téléma Kiriki, n'est pas grand Mais il est vaillant, ah, ma petite mais il est vaillant, mais il est vaillant. Bill Clinton est petit, à boxer les filles. DJ Arnaud Technologie, José Congolo, Salam Aïcha, Luxembourg, Maïndombe. Allez, pèse avant que vous exercice à macaroni. Bana check check. Raoul Bintou, Zingan Kemba. Luxembourg, mettez la vie sur ma. Anoyo, aswane diplome, asanga mayele kila setanga ya muzoni Ekeo fele, koma le kole na mugungo Na mugungo, koma le kole na mugungo Fanshu, koma le kole na mugungo Tuke, na mugungo, koma le kole na mugungo Marte tino tamalo, alino le kole na mugungo Na mugungo, sholi malanda na mugungo Abete lisusu Ya Nzambe Ya Maria Ya Yosefu Oya Chikimwa Oma jamer malo Atobina ba mama mononge mononge Bananka mononge mononge Atobina ba mama mononge mononge E mononge mononge Tumala Mose nyere dangwe gisaluge ya dangombe ya ya Ezora shango Oya Chikimwa ya bile gisaluge ya dangombe ba dangke Chuchumwanga Atobina ba mama mononge mononge Mononge Nize nizara tokitana yango nase mononge Mononge mononge Bapeti mameli prema 0 plus 0 moins 0 divisé par 0 est égal à 0 Jean-Jacques Lukunku. Recommence à la le vrai garçon. DJ Brona 44 Club. Mouah! BG Lukisa. Salam Aïcha. Espekaninda. Héritier double pack. Bokuta mongo, bandale kwe ya teni Mathieu Kamani, ici c'est Paris. DJ Miel. Moi, DJ Franck, gérant chez Deba. DJ Lutonadio. International. Tade Manilo. Tommy Boy. Toutou Loco. Les Sipones de la ville de Kinshasa. Excellence Gentilingo Bilambaka. Le meilleur de Goma. L'hôtel Serena. Merci papa Vanny Bichueka. La ville est pauvre. Mawanda, William Kamoué, Chida Ibula, Nagler et Sexy Boy, Utumi Mawaka, Flora Kiasuka, Serge Passiotti, Alain Boïka l'honorable, Cyril Ekina. Eric Moulumba, Edo Mouzamba l'intouchable, Bruno Lubika bon roi propre, Gaïda Sandoukou, Otto c'est Jack la puissance, Filet c'est Mangoye, Delor et Manganza, Kaira Savane, Eric Wawa, beaucoup les balles oubilele, JP qui c'est l'ingénieur Poul, Nalola ya. Martine, Kilo et Italie. Là c'est ma Imone, la porte-monnaie magique. Wow, wow. Et bien ça va, jumelle. Alves, Champs-Élysées. Trésor et Mbobokawe. Chéri, Kweissanga. Matiali. Ambara, Pascal. Chéri, Tongi. Et Tomèvre. Maître Ligo Tchèque. Barakuda, Chatini, toi, Loli Tambo, les sages. Ah, Tadi Mumbenga, le popo à droite, Yoka Kabuya, Patakuja. Joli Malabar, Stop la bouquet, les fondations Moudas, Maître Igue Poulousi, Jassi Maya, si force à l'Italie, Jeunesse Kalambay. On aura musique. Le mouazi, coco manu. Mon dieu, Patrona, Paz Gartino, Papi Kouette l'éléphant, Nampo, Yébi Potonango, Théo Bonsoli, Marc le Remarquable, Itador Nzesa, Dimbangu, Golé Kimane, DJ Bokechu, Jean-Paul Azik. Maestro, Christian Chissel, Lina Mouvaro, Oni Britannique, moi ça monte à Zaté. La Tavia, oh que beau ça! Willy Mouchet, Nico Damboka, Maître Cicero Bakumba. David, vas-y. Eric Bongongo, le grand cadre. Eric Mandala, l'univers groupe. Abedassou, le patron Bobos. Maître Kasi, Nafeyav, Alura Tchaka, Moutoukou. Serge Ngenzi, Yannick Manga, Jeff Macaveli, Carlos Kalala. Makila, un char de combat, Papim Bama, Toussando Mbassi, Miguel Niema, il est le Cambodge, le ministre de tous les drummers, Top Congo FM, Christian Lusakwin, Serge Mopenge, Jean-Si Makoma, Blanchard Mbumba, Aigle.